cœur comme ça, que j'ai ramené de Lisieux. Oui. Je pose devant moi. J'ai été hypnotisé. Oui. De toute la maquette. Ça m'a hypnotisé et j'ai entendu comme un petit, comme un rire, c'est-à-dire ça communiquait. Oui. Ça m'a hypnotisé et mon œil, oui. Comme si mon œil a battu comme ça là. Tu sais quand l'œil bat, oui. comme oui. ça. Mmh. Donc, pour regarder, parce que vous voyez, donc, il a injecté son esprit dans mon téléphone. Oui. Oui. Donc, ce que je suis en train d'utiliser, c'est dans mon téléphone. Et plus l'image de Jésus qui était là. Oui. Il est rentré dedans. Oui. Le téléphone. Je jure, celui-là. J'allais encore dire sur la tombe. Mais c'est mieux d'arrêter ta bouche comme ça. Parce que ça a été ton grand-père. Continue. Je te jure, je reste ça. Mais ça va finir, d'accord? Il faut seulement la repentance. Dieu va nettoyer cela. Vraiment. Et donc, en partant, et c'est là où il y a eu une série d'événements, j'ai mon tableau là. Qui est tombé, oui. Ça fait pouf par terre, par la force. J'étais là, ici, là, oui. Tu me dis que j'ai le livre de prière là. Oui. D'autres, j'ai sorti, c'est-à-dire où je trouve facilement. Oui, rapidement, là, tu as cherché les secours. Oui, mais là, je connaissais, là, j'ai appelé Jésus. Oui. J'ai cherché le secours et donc j'ai commencé à prier le sang à faire la litanie mm-hmm. du sang de Jésus-Christ mm-hmm. et du nom de Jésus-Christ. J'ai mm-hmm. fait la litanie, nom de Jésus-Christ, du sang de Jésus. C'est nom comme ça. Je faisais. Vous allez me tuer dans le monde, Que Jésus, que notre Seigneur Jésus-Christ veut m'enlever sur cette terre si je vais me rentrer à la maison. Ah. Mon frère, il dit que. Il me faisait que je n'arrivais plus à faire le pater, mmh. le pater, mmh. notre père qui est le pater nostre. Je le faisais à l'envers. Mmh. À l'envers. Mmh. Je veux parler, dès que je veux même dire que Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui sort. Mmh. C'est son nom. Et là, je me pose une question. Ton mari est allemand. Il n'est pas dans cette histoire de Dieu-là. Comment, quand tu vivais toutes ces expériences spirituelles, est-ce qu'il est au courant de cela? Non. Donc tu vois effectivement que si on engage là, les choses arrivent là-bas, il risque de dire qu'il y a un Camerounais là qui a invoqué sa femme au téléphone, par Skype là maintenant. Mais de toute façon, Dieu au contrôle, il faut que tu sois en soi délivré, d'accord? Non, parce que il, et par la suite, parce que c'est une nuit ou deux nuits, les mêmes nuits là, et c'est comme ça que moi je suis partie du lit conjugal. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis venue au salon dormir sur le truc, parce que j'ai senti que comme après, mmh. il ne pouvait plus, parce que c'est le même jour-là mmh. où il y a eu des événements, le tableau qui tombe. Oui. Je veux passer mon sac à main que je veux prendre. J'entends qu'il y a quelque chose qui est en train de siffler dans mon sac à main. Oui. Siffler, hein. Oui. Il dit ça, le tableau qui est tombé là, est-ce qu'il a vu le tableau tomber? Il a vu le tableau tomber? Ouais. Il était au travail, il n'était pas là. C'est arrivé le matin comme là. Là, aujourd'hui, là, parce qu'il est en vacances. Oui. Non, il n'est pas là. Oui. Il est au travail. Il n'était pas, donc je vivais ça seul dans la maison. Et tu ne lui as pas expliqué, ce qui est arrivé au tableau? J'ai essayé de lui expliquer, je suis allé appeler même le voisin. Oui, ils vont dire que tu es parano, non? Le tableau était par terre. Oui. Il m'a dit, le voisin a dit à mon mari qu'il faut qu'il appelle les amis, qu'il appelle les médecins qu'on m'enferme parce qu'il pense que je suis folle. Tu n'es pas folle, d'accord, ma chère? Il est rentré le soir la nuit. Mm. J'essayais de lui parler parce que là, j'avais fui la maison. Je suis partie. Mm. Je suis partie de la maison le matin. J'ai dit qu'il n'en est pas question que je remonte partout. Dès que je remontais, là j'avais la chair de poule. Oui. La chair de poule. Je n'avais pas encore compris que mon téléphone était infesté maintenant. Oui. Mon sac à main était infesté. Oui. Le tableau, mon image de Dieu était infesté. Oui. J'avais un chapelet comme un ramené d'Israël. Je n'utilise même plus. Tout ce que je disais même plus. C'était dans mon sac. Donc du coup, je ne savais pas. Parce que tu ne sais pas tout de suite. Oui. Moi, quand je dis, par contre, il y avait une petite statue de Marie qui était, j'avais amené dans sa tête. Je la ramène à côté de mon lit. Oui. Mais quand j'arrive à côté de mon lit, j'ai la chair de poule. Oui. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je vais à l'église, mon église catholique qui est en bas, je dis, il me faut l'eau bénite. Oui. Alors, je suis rentré dans l'église. Dès que j'entre dans l'église, je m'assois. L'église est vide parce qu'il n'y a pas de messe. Oui. Le truc que j'entends que boum, on me donne les coups à l'intérieur. Oui. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, il n'y a personne pour t'aider. Il